Je connais le secret d'un trésor merveilleux. Les distances sont inconnues. On les dit infinies. La Terre est là. La Terre est proche. Nous roulons à 1000 pieds. Paris à virer de bord. Cap Sud, Sud-Est. Si je vous demande de me citer des noms de pilotes qui ont marqué l'histoire naissante de l'aviation au début du XXe siècle, vous penserez peut-être à Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz ou Charles Lindbergh. Les noms de femmes pilotes viennent moins spontanément en tête. Ils sont moins connus. Pourtant, plusieurs femmes ont pris la voie des airs dès les débuts de l'histoire de l'aviation. Elles ont réalisé des premières, battu des records et participé aux tests pour améliorer et rendre plus sûres les machines volantes. Elles s'appelaient Adrienne Bolland, Hélène Boucher ou encore Amélia Earhart. Aujourd'hui, nous vous proposons de retracer le parcours et l'histoire de ces pionnières de l'aviation avec pour guide Catherine Monoury, aviatrice, ambassadrice du musée de l'air et de l'espace, présidente de l'Aéroclub de France. Elle a été 10 fois championne de France de voltige, 2 fois championne du monde. C'est en toute confiance que nous lui confions le manche et que nous partons bivouaquer avec elle sur les tarmacs du monde, sur les pas des pionnières de l'aviation. Sur France Inter, Daniel Fievé. Mon Dieu, Rafio, avance! Et avance! Qu'est-ce qui m'a collé une limace pareille? Si je m'en sors, t'es bon pour la casse. Parole. Si je m'en sors pas, pareil. T'auras de mes nouvelles. Allez, Rafio, c'est le moment de sortir tes tripes. Contrôleur à tous que t'as un petit quelque chose sous le moteur. Que t'es un sacré engin. Tu la tiens, ton heure de gloire, à portée d'aile. Avance, bon sang. Cette fois, c'est la bonne. Je vais m'écraser. J'ai froid, je sais plus où je vais. J'y vois rien. Adrienne, Armande, Pauline, Bolland. Qu'est-ce que tu fiches là? Qu'est-ce qui t'a pris? Ma pauvre fille, tu es dingue. La traversée des Andes d'Adrienne Bolland, telle que l'a imaginée, autant en emporte l'histoire consacrée à cette pionnière de l'aviation. C'est vrai qu'il fallait être un peu dingue pour entreprendre le vol qu'Adrienne Bolland, à l'âge de 25 ans, décide de faire, Catherine Monoury. C'est vrai qu'il y avait à peu près tout pour ne pas le faire, parce qu'elle va tenter cette traversée absolument inouïe avec un avion, un Caudron G3 qui fait 80 chevaux et qui normalement plafonne à 3000 mètres, qu'on peut peut-être espérer monter à 4000, mais de toute façon le col le plus bas est à 4002, oui. C'est normalement impossible. Et elle a cette possibilité de mentale de se dire « j'y vais quand même ». Et c'est quand même une histoire tout à fait extraordinaire. Ouais, alors elle a son brevet de pilote en plus depuis 13 mois, seulement 40 heures de vol, 25 ans, nous sommes en 1921, et elle se lance avec cet avion absolument pas adapté dans ce défi. Absolument pas. Elle est devenue pilote, je dirais presque par hasard, parce que c'est une joueuse et une fêtarde terrible. Et donc un soir de beuverie, après avoir perdu tout son argent, elle décide que elle sera aviatrice. Et en fait, un voisin de table l'a entendu et lui dit « Mais vous savez, il y a une école qui va s'ouvrir au Crotoy et on va prendre des nouveaux pilotes, allez-y. Ouais. » Et le patron, qui est Caudron, devant cette personnalité renversante, se dit « Mais ça vaut la peine que je l'aide. Ouais. » Alors elle veut même son propre avion. Il lui dit « Écoutez, si vous me faites un looping, je vous donne un avion. » Et il apprend comme pilote de convoyage, quand même, pas encore comme pilote d'essai. Elle est très, très, très, très peu expérimentée à ce moment-là. Rien. Mais alors, il faut rappeler quand même, pour comprendre que ça puisse se passer comme ça, ce qu'était l'aviation dans les années 1910-1920. Alors, il y a eu la guerre qui a fait un peu se développer un peu l'aviation. Se développer énormément. Mais c'est vrai que c'est encore balbutiant et que c'est héroïque. Elle-même le dit, elle dit, mais c'est vrai, on était un petit peu fous, mais si on ne l'avait pas été, l'aviation n'aurait pas continué à avancer. Mmh. D'ailleurs, il va lui dire, et ça n'est pas très sérieux, il va lui demander, parce que lui, il comprend que c'est intéressant d'avoir un personnage comme ça. Il se dit, une femme, elle va attirer l'attention sur moi, donc je vais vendre des avions et ça va aider. Lui, c'est René Caudron. René Caudron. C'est le René directeur Caudron. De la société Caudron. De la société qui vend des avions qui s'appellent des Caudrons, qui sont G3, G4, enfin des tas de Caudrons, et il va lui proposer de traverser la Manche. Elle serait en fait la seconde, pas la première, mais la première dans le sens France-Angleterre. Et le jour où elle part, il lui a donné un peu d'argent pour aller en Angleterre, En fait, au dernier moment, des copains lui disent on est à Bruxelles, viens nous rejoindre. Donc elle y va, elle dépense tout l'argent qu'il lui a donné, elle passe la soirée à Bruxelles. Le lendemain, dans les journaux, elle voit les gros titres, une aviatrice perdue dans la Manche. Tout ça, elle se dit, ça, mais alors qu'est-ce qu'elle essayait de faire comme moi? Ah, mais c'est moi qu'on cherche. Oui. Horreur. Donc il est quand même très fâché. Et puis finalement, elle traverse quand même en août, et puis on oublie, ce qui va lui donner des idées pour continuer plus tard et lui donner l'envie d'aller plus loin. Quand elle décide de prendre des cours d'aviation, de tenter comme ça des records, beaucoup de femmes se sont déjà essayées à l'aviation? Alors, un certain nombre de femmes ont déjà quand même volé. On a je pense particulièrement à Élise de Roche, ou la baronne de la Roche, qui pour moi est un personnage extrêmement attachant, qui va se donner beaucoup de mal, qui aura beaucoup de malheur et qui va quand même continuer, parce que c'est une femme libre. Elles sont toutes un peu... Ouais. Elle veut vivre, elle aime les sports mécaniques, elle fait de la moto, de la voiture, et bien sûr, elle s'intéresse au début de l'aviation. Elle va voir le premier vol de Santos Dumont, et le premier kilomètre en circuit fermé de Farman, et vraiment, elle veut faire ça. Et elle a la chance de rencontrer Charles Voisin, qui lui construit des avions, et qui va l'aider. Et elle va passer son brevet très vite. Elle est le brevet numéro 1 de l'Aéroclub de France, le 8 mars 1910. Ouais. Et derrière, ça va aller très vite. Elle va battre plusieurs records. Elle va battre des records d'altitude, de vitesse. Et elle, vous savez, elle va faire des meetings très vite. Ils vont très vite. 4 mois après, ils y sont. Ouais. Notamment à Saint-Pétersbourg. Le tsar Nicolas II va la voir et être complètement fasciné. Lui offrir un titre nobiliaire. Alors, on se moquait un peu d'elle parce qu'elle disait la baronne de la Roche, mais on lui a offert un titre. Mmh. Donc, elle l'aime, elle s'en sert. Alors, la baronne de la Roche, elle va quand même mourir en 1919, justement dans un accident d'avion. Et pas de sa faute, pas piloté par elle, parce qu'elle va avoir d'abord un premier accident très grave sur un décrochage probablement d'avion à la deuxième semaine de Reims en 1910. Et puis, elle va continuer, elle va battre des records dans des difficultés terribles. Son mari se tue en voie. Voiture, d'ailleurs, elle perd son fils de 10 ans et elle va tout le temps tout remonter. Et en 1919, en s'entraînant, en acceptant de travailler, son instructeur va faire un looping, une boucle trop bas, peut-être parce que l'avion est plus lourd, enfin il va les tuer tous les deux. Ouais. Alors, quand Adrienne Bolland, pour revenir à Adrienne Bolland, décide de se mettre à l'aviation, c'est la même année, c'est-à-dire que quelques mois plus tôt, la baronne de la Roche meurt dans cet accident d'avion, elle le sait très bien, évidemment, Adrienne Bolland, et malgré ça ne lui fait pas peur, elle a envie d'y aller. Oh non, parce que je crois qu'elle la dope. Elle se dit mais moi j'y arriverai. Et en fait elle y arrive. Ouais. Mais et donc quand elle part d'ailleurs pour traverser la cordillère des Andes, en fait elle part vendre des avions pour Caudron et elle ne pense pas forcément, elle sait que c'est presque impossible. Ouais, c'est-à-dire, ça c'est intéressant. Oui, parce que cette traversée de la Cordillère des Andes, là encore, on a l'impression que ça part sur une fanfaronnade. Elle va effectivement en Argentine, je crois, pour justement toujours faire de la démonstration, vendre ces fameux avions Caudron. Et puis, un peu sur un coup de tête, elle décide de faire cette traversée. Elle s'installe à l'hôtel Majestic et elle comprend que, en fait, les journalistes là-bas ont déjà annoncé qu'elle va traverser la cordillère des Andes. Et elle se dit, oula, mais je peux pas me dégonfler, quoi. C'est le genre qui ne se dégonfle jamais. Donc, elle se dit qu'elle va le faire. Elle a essayé d'avoir un avion plus puissant. On lui a pas envoyé. Tout le monde est catastrophé parce qu'elle a très peu de chances de s'en sortir. Ouais. Il lui arrive quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la rencontre avec une jeune femme qui va frapper à sa chambre et lui dire, j'ai quelque chose à vous dire. Et, elle lui dit, elle lui décrit, alors que cette femme n'a jamais volé, c'est une ouvrière, elle lui dit, vous allez avancer et vous verrez, à un moment, vous allez arriver dans une vallée, vous allez voir un lac en forme d'huître, couleur d'huître aussi. À votre droite, il y aura une vallée tentante, assez belle. À votre gauche, une paroi terrible, qui paraît, on a l'impression que c'est, eh bien, il faut que vous alliez là. Il y aura un très haute paroi en forme de dossier de chaise renversé. Suivez-le, et vous passerez. Elle oublie ça. Et quand elle va voler, elle part, au bout de, déjà, 2-3 heures de vol, à un moment, elle se dit, oh là, c'est terrible, il fait atrocement froid, il faut imaginer ce que ça peut être, elle est à Calumet, elle a pas de... Et donc, elle va voir ça, et elle va suivre ce conseil. C'est-à-dire que ce conseil qu'une médium, une voyante alors, lui donne... Alors c'est une médium qui avait envoyé cette jeune femme, elle l'a su après seulement. Alors, revenons au départ. Quand elle part, elle n'a donc jamais survolé aucune montagne. L'avion, elle avait demandé un avion plus puissant, elle ne l'a pas. Autour d'elle, tout le monde est très inquiet. Elle a bien décidé d'y aller. Et le technicien qui l'accompagne, Perrier, est aussi très inquiet. Qu'est-ce qu'ils ont tous à sangloter? Je ne suis pas encore morte. Du Perrier, vous avez vérifié la magnéto? Elle est toute neuve. Comme moi. Et vous avez 9 heures d'essence. Au cas où il faudrait faire demi-tour. Très drôle. Bon, de mon côté, j'ai tout. Mes lunettes, un poignard, Parfaitement, pour me défendre contre les condors, on ne sait jamais. Ah, et un oignon. Un oignon ? Pour lutter contre le manque d'oxygène. C'est le paysan là-bas qui me l'a donné. Il m'a dit de le manger pendant le vol. Je vais sentir bon à l'arrivée. Au fait, vous avez décidé ? Vous allez passer par le sud comme les autres ? Ah non, je veux pas passer par où des pilotes se sont tués. Ça va me porter la guigne. Vous allez faire quoi ? La ligne droite, tiens. Direct sur Santiago. Quitte à se lancer dans une folle aventure, autant réaliser une première. Non ? Mais vous savez où c'est, Santiago ? Oui, à peu près. Attendez, je vais demander à mon copain paysan. Hola, amigo ! Santiago, ¿dónde está ? Por allá. Par là ? Muy bien, muchas gracias. Ben voilà, je vais par là. Avec un peu de chance, le soleil va me guider. Adrienne, vous êtes sûre ? Allons, encore un autre qui arrive en pleurant. C'est le directeur de l'hôtel. Ce matin, il était dans tous ses états en m'apportant mon café. Duperrier, vite, aidez-moi à monter dans ma cage à poules. Et mettez le moteur en route par pitié. Sinon moi, dans 5 minutes, je ne pars plus. Un nouvel extrait du récit de cette aventure imaginée par Autant on emporte l'histoire. Et vous me disiez, hein, Catherine Baudoury, elle n'a pas peur, hein, cette Jeanne Bolland. Alors, cette Adrienne Bolland, pardon. Alors, il s'agit d'une fiction, là, ce qu'on vient d'entendre. Oui. Mais est-ce que ça, il y a une désinvolture qui transparaît. Est-ce que ça correspond à une réalité? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de la désinvolture. C'est plutôt le fait que, de toute façon, il n'existe pas de carte aérienne qui pourrait lui donner la route. Donc, elle part sans carte. Elle va donc prendre les décisions, ce qui fait qu'elle change d'avis au dernier moment, parce que elle va prendre les décisions au ressenti. Elle n'a pas de boussole. Elle va essayer de passer. Elle va faire confiance à peut-être un peu son instinct pour récupérer des courants ascendants. Donc, en fait, quand elle se colle contre la paroi, suivant les conseils de cette jeune femme, effectivement, elle est prise dans une espèce d'ascendant qui va lui permettre de passer l'inconnu. Oui, alors elle pilote à l'œil nu, dans des conditions très difficiles. Vous nous l'avez dit, l'avion n'est pas prévu pour ça. Je vous propose d'écouter Adrienne Bolland elle-même, qui plus tard racontera les conditions de cette traversée de la Cordillère des Andes en 1957. J'ai suivi le col. Le col était à 4200 et j'ai plafonné à 4280. Alors c'était très tangent et j'avais toujours l'impression de me poser, ce que je voulais surtout éviter. Et le temps était beau, un vent extrêmement violent. Mais ce vent violent faisait que j'étais un peu dans une tourmente de neige par la neige qui était soulevée par le vent. Il ne tombait pas de neige, mais j'étais quand même entourée de petites choses de neige qui volaient. Et comme j'avais perdu mes lunettes au départ, c'était très désagréable. Et puis alors j'étais partie très peu habillée, parce que tout ça, ça coûtait très cher. Puis dans l'aviation, on n'était pas riche. Alors j'avais sur moi un pyjama et une petite combinaison de toile. C'était pas très chaud. Alors au lieu d'acheter des vêtements, je m'étais enroulé de papier. Une espèce de papier qui m'a tout de même assez bien isolé, n'est-ce pas ? Mais j'avais pas chaud tout de même. C'est quand même complètement fou, cette histoire. Il n'y a pas de pare-brise, hein, ce sont des avions. Voilà, nous sommes en 1921. Elle est enveloppée dans du papier journal. Papier journal, un peu de graisse dessus pour éviter que... pour essayer de couper l'air. Elle doit avoir la main sur la manette des gaz et crispée. Elle avance quand même pas. Et en plus, avec le vent, elle est à 50 km/h. Hein, mais c'est... à cette altitude, à cette température, ça doit être assez affreux. Ouais. Mais ses chances de s'en sortir étaient infimes, finalement, quand on entend ça. Il disait, vous avez une chance sur 10, disaient les gens autour d'elle avant qu'elle parte, et je crois que c'est à peu près ça au mieux. Ouais. À peu près ça au mieux. Après 4h15 d'une traversée plus que mouvementée, on l'a compris, Adrienne Bolland va bel et bien se poser au Chili. Tout à coup apercevoir la mer. Elle a même du mal à y croire. Et c'est vrai que cette histoire de cette personne qui lui avait décrit le voyage sans connaître, elle avait conclu un jour en disant « Mais je ne crois toujours pas aux sciences occultes, mais avouez que j'ai du mérite de ne pas y croire, parce que c'est quand même totalement invraisemblable. » Oui, c'est ça. Hein, cette part, c'est elle qui a raconté cette voyante, en tout cas cet émissaire d'une voyante qui l'avait conseillé. Qui l'avait conseillé et on avait l'impression qu'elle avait déjà fait le voyage. Ou en tout cas qu'elle l'avait vu avant. Chacun y verra, verra ce qu'il veut. Moi, je trouve que ça lui enlève presque de son mérite, hein, de dire que c'est quelqu'un qui lui a conseillé. C'est tellement étonnant, mais voilà. Après cette grande traversée, Adrienne Bolland va continuer ses voyages. Elle va battre encore de nouveaux records. Oui. Alors notamment, alors l'ambiance est à ce genre de record. Notamment, elle fait 212 loopings à la suite les uns des autres, ce qui n'est pas rien. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, oui. Mais c'est sa nature. Elle va être comme ça très très longtemps. Et puis ensuite, quand viendra la Seconde Guerre mondiale, bah, les femmes ne sont pas autorisées à combattre. Et donc elle va toujours garder un très fort engagement dans la résistance. Ouais. Elle se marie. Elle fait partie de vos inspiratrices, Catherine Monory. Hein, je l'ai dit, hein, vous êtes championne de voltige. Est-ce que vous la connaissiez étant jeune, parce que vous avez commencé très très jeune l'avion. Oui. Vous la connaissiez ou vous avez appris à la connaître ensuite? Je la connaissais, j'ai commencé moi à me passionner pour l'avion en lisant. Ouais. Mon père était pilote privé, c'est un médecin, mais et il y avait une grosse bibliothèque aviation et je pense que j'ai tout épluché depuis l'âge de 8 ans où j'ai fait mon premier vol, donc il y en avait très peu que je connaissais pas. Oui, donc elle fait partie clairement tout à fait. Avec Jacqueline Auriol. On en parlera d'ailleurs de Jacqueline Auriol. Alors malgré son côté casse-cou et intrépide, Adrienne Bolland mourra à 79 ans en 1975. Elle ne mourra pas prématurément dans un accident d'avion comme d'autres pionnières qui ont eu moins de chance qu'elle, mais dont le nom est aujourd'hui célèbre, comme Hélène Boucher par exemple, dont vous allez nous raconter l'histoire dans un instant. Le temps d'un bivouac dans le sillage des pionnières de l'aviation sur France Inter. Every thought that I ignore, and all the questions at my door, it's when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. I drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before. Felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud, where the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? C'était Begin Again, Norah Jones sur France Inter. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui fait ton... Comment tu l'appelles? Le fol. Pour un baptême de l'air, c'est ce qui se fait de mieux. Un avion, c'est plus difficile à conduire qu'une voiture? Oh, tout ça, ce sont des moteurs. Le premier moteur que j'ai démonté, c'était pendant la guerre, chez mon grand-père, à la campagne. J'avais pas 10 ans. À 12 ans, je conduisais la mobylette de mon frère et à 16, la voiture de mon père. Une Chenard et Walker Torpedo Sport. Tu es une jeune fille de très bonne famille avec de longs cheveux blonds et tu aimes réparer les moteurs, rouler à fond sur les routes et tu t'apprêtes à prendre un avion. Léno, tu n'es pas comme les autres. J'allais te le dire. Je déteste la banalité. Qui est cette femme là-bas? Adrienne Bolland. Elle détient le record de looping. 212 boucles en 72 minutes. Ici même, à Orly, en 1924. Mais qu'est-ce que c'est donc que cette passion de voler? Aujourd'hui, 4 juillet 1930, tu vas le savoir. Allez, le fol te fait signe. Léno, enfile le passe-montagne. Il fait froid là-haut. Extrait de Au fil de l'histoire de Stéphanie Duncan. Léno, c'est le surnom d'Hélène Boucher. Et quand Hélène Boucher fait son baptême de l'air, en 1930, Adrienne Bolland a déjà réalisé les exploits dont on a parlé dans le début de cette émission. Hélène Boucher, elle fait son baptême de l'air un peu par hasard. Et c'est le coup de foudre, Catherine Monory. Il semblerait que oui, et que ce soit pas le seul cas. D'ailleurs, moi-même, à 8 ans, j'ai eu une vraie révélation. Et j'ai su que je n'aimerais que ça dans la vie. Ouais. Et en fait, elle va aller très vite. Elle fait son baptême et tout de suite, elle décide. La famille est moyennement enthousiasmée de devenir pilote. Donc, elle va passer son brevet l'année d'après. Et elle devient pilote professionnelle. Et elle devient, ce qui est très rare, il faut qu'elle fasse 100 heures. Elle devient pilote professionnel. À l'époque, c'est rare, et c'est rare pour une femme particulièrement. C'est rare pour une femme, oui. C'est la 21e femme brevetée. Ouais. Et elle s'achète un Avro, et très vite, 32, elle va essayer de faire un premier raid. Elle va simplement Cannes-Deauville, mais ça se passe pas bien. Il y a une aide d'arbre, ouais, qui va être un peu sur son chemin, mais elle prend de l'assurance. Elle projette même de faire le Paris-Saïgon. Elle s'arrêtera du côté de Bagdad aussi pour des histoires de panne d'avions. Les avions, ouais, aussi n'étaient pas encore très, ouais, sûrs. Ça serait, c'était en 1933. 33, voilà. Et finalement, mais elle va quand même faire ses preuves parce qu'elle va, oui, elle a des problèmes. Son avion n'est pas très sûr, mais, ouais, finalement, elle fait un peu le tour de la Méditerranée et puis, voilà, elle revient. Donc, ouais, ouais, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Et puis, elle va s'attaquer elle va essayer de faire les 12 heures d'Angers. Donc, un record de distance maximale. En 12 heures, des records d'altitude avec un petit avion à Montboussin et des records de vitesse. Donc elle n'arrête pas, on dirait qu'elle sent qu'elle est pressée. Ouais, elle est pressée, oui, vous dites qu'elle sent qu'elle est pressée parce que sa carrière va être malheureusement de courte durée. Hein. Mais en 1933, elle décide aussi de se lancer dans la voltige et là elle se fait très vite remarquer. Regardez ce qu'elle fait. Ah, elle reprend son tonneau pour la 4e fois. Perfectionniste, elle est prête pour faire la boucle vers le bas. C'est mince qu'elles sont fines. Mais comment elle le tient son zingue? Regardez-moi ce tonneau. Juste le temps de se rétablir et hop, la feuille morte. On croit qu'elle tombe, elle danse. Bonjour. Raymond Delmotte, chef pilote de la maison Caudron. Vous êtes Michel Détroyat? Oui. Je cherche Hélène Boucher. Caudron? Bah mince alors, elle en a de la chance, la petite Hélène. Vous voyez le petit point noir au-dessus des arbres là-bas? Bah c'est elle. Et regardez, patron, elle amorce sa descente en vrille. C'est fin, élégant, facile. Et elle n'a que 15 heures de voltige. Dites, chez Caudron, vous cherchez plutôt des pilotes d'essai pour les prototypes, non? Pour juger de la maniabilité d'un appareil, quoi de mieux qu'une acrobate aérienne? On va lui proposer un contrat. Dites donc, Delmotte, j'espère que vous lui ferez pas conduire n'importe quoi. Un rafale. Catherine Monory, on dit qu'en quelques mois seulement, Hélène Boucher va devenir l'une des meilleures acrobates aériennes du monde. C'est vrai? C'est vrai. Et il faut dire qu'elle a un instructeur hors du commun. Michel Détroyat est une grande vedette de l'entre-deux-guerres avec Marcel Doré. Et en fait, la compétition n'existe pas encore. Et c'est dans les meetings où elle va un petit peu se mesurer aux autres que, à l'applaudimètre, pratiquement, elle gagne ses titres. Elle se fait énormément connaître. Elle obtient ce contrat chez Caudron. Oui. Depuis une fois de plus, hein, Caudron, manifestement, est quand même très ouvert à l'idée de choisir des femmes. Oui. Parce que finalement, cette image de femme moderne, oui, un peu intrépide, c'est bon pour sa publicité. C'est bon pour la publicité. C'est pour ça que de tout temps, et encore presque maintenant, tous les constructeurs ont aimé faire des records et que leurs pilotes fassent des records parce que c'est à la fois la machine, donc c'est bon pour pouvoir vendre. C'est à la fois toute une équipe qui est récompensée. Mm-hmm. C'est-à-dire tous ceux qui sont derrière, puis le pilote lui-même. Mais c'est vraiment, ça entraîne tout le monde. Et ça va vers bien sûr tout ce qui peut faire avancer l'aviation. Et alors pour Caudron, elle va devenir pilote d'essai. Elle va le faire. Elle va devenir pilote d'essai. Et elle vise surtout de faire des records de vitesse. Et il va lui prêter les avions qu'il faut pour ça. Il y a un ingénieur très connu, Marcel Riffard, qui va accepter de lui prêter Caudron Rafale, tous les Caudrons qui sont capables d'aller le plus vite possible pour qu'elle batte ses records. Et elle se trouvera en 34. Record woman de tout, de 100 km, de 500 km, de 1000 km, de la vitesse en petit circuit. Enfin, elle... À ce moment, elle est connue du grand public, elle devient une star, entre guillemets. Oui, et en plus, c'est une jeune, très belle femme. Il y a énormément de portraits d'elle, où on la voit de profil, regardant vers le ciel. Mmh. C'est une espèce d'icône. On l'appelle la femme la plus vite du monde. Mmh. C'est un exemple pour les jeunes filles. Ouais. Alors, c'est une femme libre, tempérament, on l'entend, qui doit inspirer et faire rêver plus d'une femme à cette époque. On doit se projeter. C'est un exemple, parce que ça veut dire aussi, si elle le fait, je peux le faire. C'est-à-dire qu'on a devant soi la possibilité de choisir sa vie. J'imagine certains collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, qui ont leur établissement, parce que beaucoup d'établissements maintenant portent son nom. Mon propre fils était au lycée Hélène Boucher. Et voilà. Et effectivement, ils doivent se rendre compte que c'est la classe d'avoir le nom de cette femme. Elle est souvent dans les lycées, oui. C'est vrai. Elle a donné son nom à beaucoup de lycées. Oui. Alors, comme d'autres pionnières de l'aviation, Adrienne Bolland, par exemple, aussi, s'était engagée dans les années 1930 dans la lutte pour le droit des femmes. Elle va soutenir Louise Weiss, par exemple, une femme politique féministe qui va demander le soutien des aviatrices de l'époque, donc Hélène Boucher, Adrienne Bolland et d'autres. Maryse Bastier, oui. Elle leur demandera par exemple de participer au tournage des actualités féminines du Pathé Journal sur le terrain d'aviation d'Orly. Louise Weiss est en retard. Louise Weiss pense que si les femmes avaient le droit de vote, jamais elle n'élirait des hommes politiques capables d'entraîner le pays dans la guerre. Elles l'ont toutes. Les Autrichiennes, les Russes, les Allemandes, les Hongroises, les Turcs, les Tchèques. Les Chinoises, les Anglaises et les Américaines. Ne t'inquiète pas, nous aussi, nous l'aurons. Louise Weiss a des idées bien à elle pour se faire remarquer. Elle a fait un embouteillage monstre en défilant avec ses amis en voiture. Elle envisage d'offrir des chaussettes aux sénateurs en affirmant que si les femmes ont le droit de vote, elles s'engagent à continuer le raccommodage. Elle a raison. Il vaut mieux divertir que prêcher. Et tout faire pour que le pays prenne feu pour notre cause. Comment ça va se passer ? Si j'ai bien compris, l'opérateur de cinéma va se poster à côté de l'avion et Louise nous remerciera d'être des auxiliaires précieuses pour défendre la cause du suffrage des femmes. Ou quelque chose dans ce goût-là. Catherine Honoré, Hélène Boucher est une féministe convaincue ou là c'est un exemple qui n'est pas si représentatif ? Ah, je pense qu'elle est féministe convaincue. Il y a beaucoup à faire à ce moment, il y a toujours à faire. Ouais. Mais elles sont très convaincues dans leur combat parce qu'on a toujours mis un petit peu des bâtons dans les roues des femmes. Songez que ces pionnières, si on pense un peu plus tôt, mais par exemple 1910-1914, on fait 15 brevets féminin contre 1600 brevets masculins. Donc il faut un peu se battre pour faire sa place. Pour rééquilibrer un petit peu. Alors parallèlement à ces combats pour les droits des femmes, Hélène Boucher continue d'enchaîner les records. On l'a dit, pour elle, tout va très vite, tout va trop vite, puisque sa vie sera relativement courte, même très courte finalement. Elle se tue en 1934 à 26 ans. Dans quelles conditions ? Alors le 30 novembre, ce qui est déjà tard dans la saison, il ne fait pas très beau, sur le terrain de Guyancourt, elle va essayer un Caudron Rafale qu'elle doit présenter au Salon du Bourget, qui est le 14e, au Salon de l'Aéronautique, pardon, qui va devenir le Salon du Bourget. Et elle veut s'entraîner, on lui déconseille fortement d'y aller, il fait mauvais, il y a du brouillard qui s'accroche dans les arbres, enfin c'est vraiment, il faut pas sortir. Elle y va, elle a du mal à retrouver la piste, au deuxième passage, elle donne un grand coup de moteur alors que les volets sont sortis, c'est un avion assez pointu, et elle n'arrive pas à le rattraper. Et c'est les défauts des qualités de ces femmes, c'est-à-dire de finalement continuer, même si on leur dit que c'est pas raisonnable. Ouais. Il aurait pas fallu voler ce jour-là. Je pense que c'est en grande partie dû au mauvais temps et au fait que, ben, elle se trouvait dans une configuration bien plus difficile pour piloter l'avion, pour l'amener au bon endroit. On a longtemps dit aussi que c'était peut-être l'avion qui avait eu un défaut. Je crois plutôt qu'il faisait pas très beau et que c'est très très très difficile de voler par mauvais temps avec un avion aussi pointu. Le Rafale, vous savez, il a un nez très long, elle voit pas bien devant. Il a un gros couple piqueur avec ses volets, c'est difficile à piloter. Puisqu'elle était déjà célèbre à cette époque, quand en 1934 elle trouve la mort dans cet accident à 26 ans, on imagine que ça crée un certain émoi dans le grand public. Je pense que pour beaucoup, ça a beaucoup marqué. D'ailleurs, elle reste tellement célèbre. Alors, sur une petite carrière active de 3 ans, je dirais. Non, c'est un petit être à part, très, très, très adorable. Nous avons parlé de deux Françaises, hein, Hélène Boucher et Adrienne Bolland. Est-ce que ça veut dire que l'aviation française était particulièrement en pointe et en première ligne dans la première moitié du XXe siècle? Certainement. D'ailleurs, l'Aéroclub de France est à l'origine de ce développement, puisqu'il va donner les prix. Et c'est une association de promotion à la locomotion aérienne, alors que rien, aucun plus lourd que l'air n'a encore volé, qui est créé en 1898. Et les Français vont être tout à fait en pointe, et les femmes avec elles, bien entendu. Alors, en pointe et ouvert aux femmes, ou finalement, ce sont des cas isolés, ou elles ont eu leur place assez vite? C'est quand même ouvert aux femmes. Leur place, elle est vite un petit peu stoppée au moment de la guerre. Ensuite, pour devenir pilote de ligne, ce sera une longue lutte aussi. Donc, on les laisse quand même pas faire exactement ce qu'elles veulent. Maintenant, les femmes peuvent aller dans toutes les... peuvent être pilotes de chasse, pilotes c'est ouvert partout, mais c'était pas le cas. Ouais. Mais il y a une histoire d'amour extraordinaire entre la France et l'aviation. D'ailleurs, même maintenant, les pilotes privés, c'est-à-dire les pilotes de tourisme, de loisirs, il y en a la moitié sur tous les Européens qui sont français. On est la France, c'est 50% des pilotes européens. Allez, nous allons nous intéresser au destin hors du commun d'une aviatrice américaine. Cette fois, dans un instant, Amelia Earhart. Positif. Ma maman me dit dans la vie sois pas négatif. Sois je positif, yeah je positif. Mon papa me dit dans vie sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, j'ouvre les portes comme un serrurier. Workman les jours fériés, oh oh. J'veux pas avoir de remords, même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman, oh oh. On garde le smile, pas juste pour la night, yeah. Faut mettre les efforts, yeah. J'me chapeau le gorillard, yeah. Et juste une profession, yeah. J'essaie d'être comme personne, yeah. C'est pour ça que j'ai percé, yeah. Soupçon de percé, yeah. Plus une part dans le cabanon, hey. First place au marathon. Pendant que tu fais des by round. Moi j'ai work hard, j'suis resté strong. Yeah, on se rafraîchit le brain. Seul du bon pire matin. Rien à foutre des chiales. J'ai le talent, puis j'ai chance. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman me dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa me dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, j'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés, wouh, wouh. J'veux pas avoir de remords, même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman, wouh, wouh. J'vois que c'est les coups pour work le rap. Maintenant j'ai trouvé le boulot de rêve. Mes profs pensaient que j'étais à des rêves. Mais non, la zik est pas pour faire. C'est bien triste là, mais c'est pas comme un jeu. Des fois t'as pas toujours ce que tu veux. Fais-toi pour un film juste pour aller mieux. T'es pas Alex, on est bien heureux. Il faut work out pour le pain. Faut toujours refaire le plein. Pour pouvoir racheter du temps. Pour recommencer demain. Oh ben, oh ben. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman me dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa me dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, j'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés, oh oh. J'veux pas avoir de remords, même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman, oh oh. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter. C'était Positif de Fouki. Journey's end. Here she is, safe and sound on a farm in Ireland, having just completed the first flight by a woman across the Atlantic. Il est plus facile de traverser de l'Atlantique maintenant qu'il y a quelques années. Je compte bien le refaire, peut-être pas en solitaire, mais dans un vol transatlantique régulier, ce qui se produira certainement à l'avenir. La voix de l'aviatrice Amelia Earhart, doublée par Valli, hein, on l'aura reconnu, juste après avoir traversé l'Atlantique en solitaire en 1932. Alors son exploit est beaucoup moins connu que celui de Charles Lindbergh, qu'il avait fait 5 ans plus tôt, mais moins vite qu'elle, Catherine Monory. Oui, parce qu'elle avait traversé une fois en disant « je n'étais qu'un sac de pommes de terre oui. » sur une idée de son mari qui était éditeur et qui avait dit « derrière Lindbergh, dans 28, on va faire un malheur en faisant traverser une femme. » Et puis, sauf que là, elle était en simple passagère, c'est-à-dire oui, qu'il y a le pilote et le copilote voilà, devant. Voilà, elle faisait le journal de bord. Ouais. Donc ça lui, elle a dit « je retournerai et j'irai en solo ». Elle l'a fait. Alors, elle n'a pas fait de ville à ville, hein, elle n'a pas fait New York-Paris. Elle est partie de Terre-Neuve, elle est arrivée en Irlande donc au bout d'à peu près 15 heures de vol. Mmh. Mais c'est quand même un magnifique réussite qui va l'entraîner à continuer. Ouais. L'histoire d'ailleurs raconte quand elle est arrivée en Irlande, donc elle s'est posée dans le champ d'un berger qui lui demande d'où elle vient et elle répond fièrement d'Amérique. D'Amérique. Alors je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais en tout cas c'est assez savoureux. Mais elle ne va pas en rester là. Hein, elle ne va pas rester là. Elle va aussi faire Hawaï, la Californie. Mmh. Et puis elle va préparer un très grand raid qui sera un tour du monde au plus près de l'équateur, ce qui est quand même très très difficile, pour 1937. Ouais, alors on va en parler hein, de ce grand raid, ce tour du monde, mais avant, quel est le tempérament de cette femme aviatrice? Alors, elle est assez extraordinaire, elle ressemble un peu à Lindbergh, elle est un peu androgyne, elle est très belle, donc elle est fascinante, elle est surtout très libre, elle a été élevée en petite fille très libre, elle n'était pas du tout obligée de faire... Sa mère tenait à ce qu'elle pense qu'elle pouvait vivre normalement et pas comme une petite fille bien rangée. Mmh. Donc, elle a toujours fait ce qu'elle voulait et elle va faire toutes sortes de elle essaie de battre des records. Elle se passionne pour l'aviation et elle va y mettre tout ce qu'elle peut faire. Elle a pas beaucoup d'argent donc elle est obligée de travailler aussi. Elle part au Canada. Elle veut faire médecine et puis elle a plus assez d'argent. Et en fait, elle va se consacrer entièrement à cette aventure. C'est une vie d'aventureuse. Ouais. 5 ans après donc sa traversée de l'Atlantique, Amelia Earhart va se lancer ce défi encore plus audacieux, faire le tour du monde en solitaire et en avion. Enfin, en solitaire avec un copilote. Hein. Ils seront oui, deux. Oui, avec un navigateur. Et là, je vous parlais quelquefois de l'imprudence que peuvent avoir aussi ces tempéraments. C'est-à-dire que, et Dieu sait heureusement qu'ils ont été quelquefois imprudents. Le navigateur, on lui a déconseillé de partir avec lui. Il était un peu juste en niveau pour assurer une navigation pareille. Fred Noonan, c'est le Fred nom de... Fred Noonan. Ouais. Et Fred Noonan, elle lui avait fait faire un test où il devait arriver, je crois, à Los Angeles. Et il est arrivé un peu entre Los Angeles et San Francisco. Mais elle part quand même avec lui. Mmh. Et sans doute, ce sera... Tant que les escales sont assez faciles à l'arrivée, ça se passe bien. Et effectivement, la traversée du Pacifique. Quel est le parcours avant la traversée du Pacifique qui va mal se dérouler on sait par où elle doit passer pour ce tour du monde? Et j'ai pas toutes les escales en tête, mais toutes les escales se passent à peu près bien. Mmh. Mais on arrive au moment le plus fatidique, c'est la vraie difficulté, c'est la traversée du Pacifique, parce qu'il faut se poser au milieu, avant Hawaï, elle ne peut pas aller jusque-là. Donc on choisit une petite île dans les îles Phoenix, Hollande, où on va installer une piste et un bateau qui va être mis par les gardes-côtes pour qu'elle puisse correspondre par radio pour essayer de la... Et là, ça se gâte parce que il faut être très très précis, trouver une petite île là-dedans, mais c'est terriblement difficile. Après être passé donc par l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, l'Australie, l'Australie, il y a cette traversée du Pacifique avec, comme vous le dites, cette île qui sera très difficile à trouver. Et qui ne vont pas trouver. Et ça va mal se passer. 2 heures, déjà 2 heures que nous tournons sans savoir où nous sommes. Le carburant va commencer à manquer. J'entends Fred derrière moi qui tente pour la 10e fois d'établir le contact avec l'Itasca. Sans succès. Mais où est passé ce navire, nom de Dieu? Allez, j'essaie à mon tour une dernière fois. Electra pour l'Itasca. Electra pour l'Itasca. Vous m'entendez? Nous devons être au-dessus de vous. Mais vous ne pouvez pas nous voir. Le carburant est faible. Impossible de vous joindre. Nous volons à 1000 pieds. Electra pour l'Itasca. Electra pour l'Itasca. Vous m'entendez? Notre position est lancée comme une bouteille à la mer. Est-ce qu'ils m'ont entendu? La mer à perte de vue. Des nuages qui s'épaississent de plus en plus. Pas une trace de navire ou de l'île de Rowland. Fred est blanc comme un linge. Il a compris, lui aussi. Et oui, le copilote Fred Noonan, lui aussi, a compris qu'il ne s'en sortirait pas. Alors évidemment, il s'agit d'une fiction, d'une reconstitution. Là encore, d'autant en emporte l'histoire. Ça, c'est une situation pour l'aviatrice que vous êtes, Catherine Mounery, qui doit être terrible. Et ça peut me faire frémir rien que d'y penser. Oui, c'est terrible parce que quelle chance ils ont de trouver cette île s'ils l'ont loupée ou d'en trouver sans doute une autre, de pouvoir s'arrêter. Et à partir du moment où ils cherchent comme ça, c'est presque désespéré et probablement ils comprennent qu'ils vont pas s'en sortir. Or, il faut qu'ils se posent pour refueler et repartir jusqu'à Hawaï, qui doit déjà être difficile à trouver. Hawaï, elle a déjà fait le retour après jusqu'à la Californie. Donc ça, elle a sans doute pas peur de ça, mais le moment le plus difficile, il est là. Et malgré ces échanges radio avec le bateau, ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Le bateau les a jamais entendus. Donc, ils devaient être assez loin. Ils pouvaient être assez loin. Hein, au bout d'un certain nombre d'heures de vol, la déviation peut être énorme. La dernière trace de l'aviatrice, la dernière liaison, c'est le 2 juillet 1937. Après, on perd totalement leurs traces. Aujourd'hui, cette disparition est encore assez mystérieuse. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Voilà. Beaucoup de gens commencent à penser qu'elle est, probablement ils auraient trouvé une petite île et qu'ils auraient posé l'Electra sur la barrière de corail ou quelque chose comme ça. Et mais on n'en est pas tout à fait sûr. En 40, des ossements ont été retrouvés sur l'île de Nikumaroro. Et effectivement, il y avait une chaussure de femme, il y avait un sextant, mais dont on sait depuis qu'il n'était pas de cette expédition. Ah ouais. Il était sur une autre expédition, on a retrouvé. Mais par contre, il y avait des os qui ont été analysés et dont on avait dit que c'était ceux d'abord d'un homme d'une petite taille, 1m66, et puis finalement, longtemps après, un anthropologue, Richard Jantz, disait ça doit probablement être une femme et probablement Amelia Earhart. Ouais. Et il y a eu des retranscriptions de messages qui ont été captés dans les jours qui ont suivi, qui font penser que peut-être, avec beaucoup de points d'interrogation, ça pourrait venir d'Amelia Earhart, disant l'eau monte, disant nous sommes sur une toute petite île qui n'est pas répertoriée sur les cartes. Ils ont peut-être réussi à cracher cet avion-là, qui aurait ensuite été emporté par la mer. Et on a retrouvé des traces d'un train d'atterrissage, quand même. Alors, et eux disaient la mer monte, on est blessé, on pourra pas tenir longtemps. Il y a eu quelques messages comme ça. Est-ce que c'est vraiment... C'est très intéressant et ça fait partie des grands mystères. Il y en a un peu deux comme ça, je dirais, dans le monde de l'aéronautique. Je pense à l'oiseau blanc avec Nagesser et Colli qui est parti, qu'on n'a pas revu au-delà des Trotas. Et dont beaucoup pensent, on a pas mal de raisons de penser qu'ils se sont posés du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon. Maintenant, personne n'est sûr. Donc le mystère entretient la passion pour ces aviateurs. Alors ça entretient la passion et puis ça entretient les hypothèses les plus fumeuses. Hein, parce qu'on a raconté à peu près tout et n'importe quoi sur ce qu'aurait pu devenir Amelia Earhart. On a imaginé que les Japonais l'avaient kidnappée, avaient kidnappé son avion, s'étaient inspirés de son avion pour ensuite créer un autre type d'avion kamikaze pour la Seconde Guerre. On a imaginé que le gouvernement américain l'avait envoyé en mission d'espionnage. On a imaginé aussi, ce qui est beaucoup plus plausible éventuellement, qu'elle a terminé dans l'eau. Mais plein d'hypothèses qui sont sans doute peu probables. Oui. Et on saura sans doute jamais exactement. Non, alors on dit quasi à 99% de chances que ce sont ces ossements, mais ils ont quand même été perdus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les ossements sont perdus. Oui. Dans les grandes occasions comme ça, on perd les pièces à conviction. Les pièces à conviction. Il y a une grande caisse aussi avec des pièces de l'oiseau blanc qui a disparu. Ouais, on l'a cherché partout. Du coup, on ne pourra pas faire les analyses ADN. On va s'intéresser à des femmes pilotes qui font partie de l'histoire plus récente, voire actuelle de l'aviation dans la dernière partie de notre bivouac sur les tarmacs du monde dans le sillage des pionnières de l'aviation avec Catherine Mounery. Come and take a for a ride on a pier. gonna take you away from home. Jack Plane, c'était Angus et Julia Stone sur France Inter. La programmation du temps d'un bivouac, la programmation musicale, est signée Djoubaka. Istres. Dans ce Mirage 3C, le pilote d'essai Jacqueline Auriol, guidé du sol par l'ingénieur Durand, tente de battre le record féminin de vitesse en circuit fermé. Vous allez monter comme ça jusqu'à 38 000 pieds de Fakat. L'avion peut atteindre Mach 2. À Mach 2, ce sera deux fois la vitesse du son, c'est-à-dire plus de 2000 à l'heure. Oui, oh, je pense que vous ferez le circuit à l'air libre, la verticale s'est dégagée. Jacqueline Auriol en est à la sixième tentative depuis quelques jours. C'est la sixième fois que s'engage le dialogue entre elle et l'ingénieur Durand. Mais cette fois-ci, ça a l'air de se présenter bien. Nous arrivons dans la deuxième moitié du XXe siècle. D'autres femmes reprennent le manche après les pionnières que nous avons évoquées. Ici, c'était Jacqueline Auriol qui suscitait l'admiration du présentateur que je crois reconnaître, Léon Zitrone. Alors, qui était Jacqueline Auriol, Catherine Monory? Jacqueline Auriol est la vraie grande dame de l'histoire de l'aviation française, je dirais. Elle est extraordinaire. La première femme pilote d'essai, et ça n'est pas rien, c'est très difficile. Elle va apprendre à piloter, pareil, un baptême, et c'est son mari qui lui fait découvrir. Et en fait, elle va avoir très vite, elle apprend à piloter, elle se débrouille très bien, elle apprend la voltige tout de suite, et elle a un accident en passagère aussi, sur la Seine, de côté des Mureaux, un avion qui va se retourner. Et elle va avoir 2 ans pratiquement pour se remettre, 22 opérations, elle est complètement défigurée. C'est ça, en 1949, elle est défigurée et ça ne la dégoûte pas de l'avion. Non, elle passe 2 ans, elle veut même plus voir que ses enfants la voient tellement elle est... Ça la dégoûte pas, c'est-à-dire quand elle rentre, elle va décider qu'elle veut travailler au centre d'essai en vol et devenir pilote d'essai. Il n'y a pas encore eu de femme. Le chef d'état-major va lui donner la possibilité d'aller s'entraîner là, de revenir vers 53. Et elle va apprendre à piloter les vampires pour commencer une bataille avec la guerre des deux Jacqueline contre Jacqueline Cochrane pour battre des records. Et elle va commencer à ce moment-là tout en travaillant. Et en 53, elle sera le premier pilote d'essai féminin avec le numéro 176, je crois me souvenir. Et c'est formidable. Elle va faire 5000 heures de vol sur 150 types d'avions différents. Elle aura un gros accident, une grosse frayeur. Un jour, dont elle va se sortir sur un Mystère 4. Et puis, elle va être la première européenne à passer le mur du son, ouais, sur Mirage 2. On sent toute votre admiration pour cette femme. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui d'être aviatrice qu'à l'époque des pionnières ou de Jacqueline Auriol, Catherine Monory? Ça n'est sans doute pas plus facile d'être pilote d'essai parce que c'est aussi dur pour un homme, oui, que pour une femme, parce que c'est quelque chose de très difficile et d'assez formidable. Mais c'est plus facile, bien sûr, d'être aviatrice. Maintenant, toutes les portes sont ouvertes et il reste à ce que les femmes les prennent. Il y a encore que 10% à peu près de femmes, par exemple, à Air France, mais pourquoi n'arriverions-nous pas à la parité? C'est-à-dire que ça leur vient sans doute encore un peu moins à l'esprit d'envisager ces carrières-là. Il y a des femmes pilotes de chasse. Je suis contente de dire un petit mot de Caroline Aigle, qui a été la première femme pilote de chasse en 99 engagée dans l'armée. Elle aura un destin rapide et tout le monde l'aime beaucoup, et tragique aussi, puisque elle va mourir en 2007 d'un mélanome, enceinte de son deuxième bébé. À 30 ans, très jeune. À 32 ans, oui. Ouais, elle, j'ai une photo d'elle assise devant la couveuse qui regarde ce bébé, il lui reste une journée à vivre, quoi. Ouais. Mais elle est championne de triathlon, championne du monde deux fois, elle a fait l'X, elle est brillantissime. Et d'ailleurs, les premières ont souvent été plutôt plus brillante parce qu'on leur demandait plus. Les premières femmes, je pense à Patricia Hafner, qui est la première à l'ENAC, elle était très très brillante, elle est très très brillante, pilote de 380 maintenant. Et dans la voltige aérienne, qui est votre domaine, oui. À vous, Catherine Monory, les femmes sont autant représentées que les hommes, elles se sont fait une place. Elles ne sont pas autant représentées que les hommes, mais elles font leur place. Alors là, on n'a pas eu d'obstacle, c'est du sport. Enfin, si on veut, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Je dirais que dans un championnat du monde, c'est très très bien quand il y a un quart de femmes. D'accord. Ah oui. On peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux à une parité plus parfaite. Merci Catherine Monory. Signale le titre de votre dernier livre, La sagesse de l'aviatrice, aux éditions Jean-Claude Béart. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un plaisir de parler de toutes ces belles femmes avec vous. Merci pour ce merveilleux spectacle. La routine. Demain à 16h dans le bivouac cosmique, nous nous intéresserons au futur de l'exploration de la Lune, et à 17h avec le chef cuisinier Thierry Marx, nous partirons pour un savoureux voyage à travers l'Asie. À demain donc pour de nouvelles aventures.